Serena n'avait jamais imaginé comment elle se sentirait après Brugge. Elle avait imaginé la rupture comme si cet événement était sans possible lendemain. Et pourtant, il était toujours la première chose à quoi elle pensait en se réveillant, la dernière à quoi elle pensait avant de trouver le sommeil. Il lui manquait parfois si horriblement qu'elle s'enfermait seule dans l'obscurité juste pour penser à lui. Il lui prenait parfois l'envie de le voir, de le frapper ou de lui pardonner, mais sa raison ou son orgueil la protégeait d'un tel geste, et elle était parvenue à penser à lui comme à un mort sans espoir. Elle savait pourtant qu'il allait mal, qu'il courait à sa perte, qu'il se perdrait sans elle aussi sûrement qu'un bateau fait naufrage dans le noir. Brugge n'avait jamais eu de gouvernail, et elle seule lui avait insufflé une direction. Il était une splendide sensibilité écorchée, anarchique, indomptable, qui ne pouvait survivre seul, et qui ne pouvait supporter de dépendre de l'autre. Brugge, elle l'avait toujours su, était destiné à mourir jeune, de mort violente, probablement par suicide. Il n'était pas adaptable à cette société factice, et c'est pour cela qu'elle l'avait aimé. Mais il n'était pas plus adaptable aux relations humaines, et c'est pour cela qu'il s'était détourné d'elle. Lorsqu'on quitte quelqu'un, songea Serena, on quitte toujours en fait une conception de la vie. Et Brugge avait quitté, en quittant Serena, la seule conception qui aurait pu lui rendre la vie supportable, celle de l'amour fou. Serena, en acceptant la séparation, ne quittait que le désespoir, et bien qu'il l'eût quittée, elle savait avoir perdu moins que lui. D'autre part, comme si toutes les pièces s'imbriquaient pour la sauver, il y avait maintenant en elle la gestation d'un sens nouveau. Ses conversations avec Léandri l'obsédaient presque autant que sa rupture. Elle se sentait happée par un mécanisme irréversible, sans opposer de résistance, car s'il lui restait un horizon, ce ne pouvait être que dans la dissidence. Quelque chose en elle avait déjà pris sa décision, et même si elle délibérait encore, elle sentait que ce n'était que pour adoucir le choc de la révélation. Tôt ou tard, elle quitterait cette île, cette société, cette prison, et si elle se sentait encore vivante, c'était parce qu'elle était prête à mourir pour cela. Léandri la recevait de plus en plus fréquemment, comme si une urgence intérieure lui interdisait d'attendre. « Il y a plusieurs sortes de dissidents, » disait Léandri. Il y en a qui opèrent de l'intérieur du système et d'autres qui ont pris le maquis. Dans le jargon, on les appelle les espions et les guerriers. Je regrette parfois d'avoir choisi le rôle d'espion, mais mon tempérament solitaire me faisait redouter la vie clandestine, la promiscuité des combats. Je n'ai jamais voulu m'enfuir. Les guerriers sont-ils basés dans un autre pays? Certains, oui. Mais la plupart se regroupent dans des navires ou des sous-marins. Cela permet une mobilité plus grande dans l'archipel. Comment sont-ils financés? Les services secrets de l'Océanie ont établi des liens privilégiés avec nous. Et les dissidents ont accès à des informations sur l'archipel qui valent très cher dans les autres dictatures. Quand nous avons besoin d'argent, nous vendons ces informations aux plus offrants. Et de quel genre d'action s'agit-il? Léandri soupira. Ah, c'est là que le bât blesse. Nous rêvions de renverser l'autorité. Et plus les années passent, plus nous nous mettons à leur ressembler. Nous infiltrons, nous travaillons sur des actions de renseignement. Parfois, nous tuons. Nous faisons aussi énormément de piratage informatique. Nous essayons de recruter des esprits libres, comme moi. Oui, dit-il, comme toi. Mais la cause n'avance pas. Je ne saurais te dire. Nous n'arrivons jamais à identifier les véritables têtes pensantes. Pour tout désorganiser, il faudrait supprimer en une seule fois tous les chefs des plus grandes villes. Les actions particulières ne servent à rien. Les chefs sont remplacés par d'autres et la structure ne s'effondre pas. Qui est le chef suprême? C'est Nebelvir qui est à la tête du pays. Mais on est maintenant presque sûr qu'une intelligence artificielle le seconde dans ses fonctions. Et si c'est le cas, seule une redestruction complète du réseau informationnel pourrait s'avérer efficace. Cela supposerait la destruction physique de tous les ordinateurs, de toutes les télécommunications, un retour à l'âge de pierre. Certains dissidents affirment que c'est le seul moyen. Mais ils sont encore peu nombreux et leurs actions terroristes restent trop localisées. Et vous, qu'en pensez-vous? Que les autres dictatures militaires ou totalitaires ne valent pas mieux que la nôtre. Et c'est ce qui risquerait d'arriver si nous faisions comme elles. Les autres dictatures ont détruit les accès à l'information. Les peuples sont réduits à l'ignorance et à la soumission. Je pense que nous pourrions préserver notre niveau d'éducation et de civilisation. Il faudra juste un changement politique. » Il eut un silence assez long. « Je ne veux pas te mentir, Serena. La dissidence n'est pas exempte de tout péché. Elle connaît aussi la hiérarchie, la division, l'incertitude, le découragement. Nous ne sommes rien d'autre qu'une communauté de personnes qui n'arrivent plus à vivre comme des marionnettes. Vous savez que mon choix est déjà fait. Et c'est ce qui m'effraie. Je ne veux pas que tu te lances là-dedans sans savoir exactement ce que tu fais. Pensez-vous que je puisse supporter l'idée de regarder mon écran tous les matins et d'accomplir une succession d'actes absurdes au nom de l'autorité quand j'ai aperçu le moyen de vivre autrement? Je pense que tu auras d'autres ordres qui te paraîtront peut-être aussi absurdes. Rien ne pourrait m'empêcher de prendre ce risque. Soit, dit Léandrio au bout d'un long moment. Soit. Je te dirai donc tout ce que je sais. Et commençons par le plus local. Olga est le chef de cette communauté. Serena ne marqua pas de surprise particulière. Quelles sont les prérogatives d'un chef à ce niveau? Elle reçoit des ordres, de manière irrégulière, de portée générale, sur les orientations souhaitées. L'autorité se sert le plus souvent des petites îles comme creuset d'expériences psychologiques ou sociologiques, parfois comme cage dorée ou comme parcours d'exercice. Que voulez-vous dire? Que les chefs des villes ont dû passer par là dans leur jeunesse. Serena resta rêveuse un moment. Gauthier est-il au courant? Demanda-t-elle avec un sourire. Non, la famille ne doit pas être au courant. C'est l'un des piliers du système, l'opacité absolue. Pourquoi êtes-vous ici? Je pense qu'ils me suspectent, mais qu'ils n'ont jamais eu de preuves tangibles. Ici, mon rayon d'action est extrêmement limité. Et moi? Toi, tu es né ici. Tu fais partie de ce qu'ils appellent la population neutre. L'armée des pions? Oui, le jeu d'échecs est une bonne métaphore. L'esprit de Serena s'était éveillé à des questions rapides, fusantes, qui l'assaillaient. Et Melchior? Melchior et ses sœurs sont un cas particulier. Je pense qu'on les a assignés à résidence ici pour les surveiller de plus près. Leur mère faisait partie de la dissidence. L'avez-vous connue? Oui, nous étions en bon terme. C'était une espionne, une femme de terrain, extrêmement engagée. Elle a été effacée, à la suite d'une opération particulièrement dangereuse. Effacée, répéta Serena. Détruite, éliminée. Pensez-vous que ses enfants puissent l'ignorer? Léandry réfléchit avant de répondre. Albé Barneuillac, elle doit avoir été témoin de certaines choses. Je ne me prononcerai pas au sujet de sa petite sœur. Quant à Melchior, il semble intelligent. Et j'ai du mal à penser qu'il puisse être dupe de la situation. Pensez-vous qu'il partage les idéaux de sa mère? C'est possible, Serena. Tout porte même à le croire. Sa réserve, sa froideur, sa maîtrise de ce qu'il dit. Mais, et c'est là ta première leçon, ne lui fais pas confiance. Serena, comme si elle avait besoin de solitude pour digérer l'énorme masse de ses découvertes, prit congé un peu plus tôt que d'ordinaire. Elle sortit avec un sourire lointain en promettant à Léandry d'être prudente et de ne pas noter par écrit toutes les questions qui lui viendraient. Léandry la regarda s'éloigner et resta plusieurs minutes derrière la porte close à profiter de l'atmosphère subtile de sa présence et de son départ. L'amour qu'il éprouvait pour elle grandissait au même rythme que la mort en lui. « Que lui ai-je donc légué ?» se demanda-t-il en revenant vers son écran. Cette nuit-là, il fit une commande spéciale de médicaments et espéra qu'on les lui fournirait vite, très vite, avant qu'il soit trop tard.